qu'il gère au dos. Puisque je cueille des fils neigeux dans tes noirs cheveux, près de l'âtre qui flambe à grand feu, veux-tu que nous rêvions tous les deux? Reprenons, si tu veux, la chanson d'autrefois. Comme on était heureux, on se baladait au bois. On n'avait ni java ni musette, et l'on vous appelait midinette. On avait l'omnibus et les frites à deux sous. Le dimanche, on prenait le bateau pour Saint-Cloud. On revenait gaiement, chantant à pleine voix. Et c'était la chanson d'autrefois. Notre jeunesse n'avait alors aucun souci des records. Et les prouesses des jours glorieux se faisaient à deux, sans réclame en cachette à mi-voix, dans un gai pigeonnier sous les toits. Reprenons, si tu veux, la chanson d'autrefois. Le soleil radieux revenait chaque fois. Au printemps, mettre le ciel en fête. En été, ranimer les guinguettes. À Samy, on disait, veux-tu vivre avec moi? On sera, tu verras, plus heureux que des rois. Je gagne à mon bureau 125 francs par mois. Mais c'était la chanson d'autrefois. Les jours de fête, c'était pas cher. Il y avait les cafés-concerts où les vedettes, chaque saison, lançaient la chanson que tous en cœur à tous les échos. On chantait en prenant l'apéro. Reprenons, si tu veux, la chanson d'autrefois. Revivons tous les deux nos plus troublants émois. C'est tout notre passé de tendresse et tous nos souvenirs qui renaissent. On ne vivait peut-être pas mieux qu'à présent, mais on était heureux et on avait 20 ans. Je garde le bonheur de vieillir près de toi en chantant la chanson d'autrefois.